sur le Jeep Rock qui se pète, c'est le Big Boss. Tu veux monter ta tête, t'as besoin du best dog. C'est bord de stock, je le classement, mais je donne pas le cancer. Quand je me concentre, je pense pas le bitch, j'ai tête, tous tes boys souhaitent pas. Je rentre dans tes onces, tu sais, j'ai que tes sauts, juste un pauvre 4. Sus pour de la pub gratuite dans un mag. Laisse le beef de côté, fume-le, prends ça chill. Faut qu'on s'en cale une dernière avant que tout le monde commence à skill. Qui s'avope, y'a des bitches dans le rap game qui se disent ready. On n'a pas besoin de clown, jock on step infinity. On continue à run dans bon sens, mot dans bon sens de la route. Moi des popos qui marchent dans le road avec ma photo. On show du love, man. That's my boy. Je marche dans mes doutes, mais faut au moins que je rappe mes doutes. Yo, BBT Record. That's my boy. United, we stand back again for all of my man, yo. Rough neck, Buzzy B. That's my boy. Je marche dans mes doutes, mais faut au moins que je rappe mes doutes. Pour toutes mes boys, yo. That's my boy. United, we stand back again for all of my man, yo. Yeah, fume-le. Yeah. Rock Mac, Buzzy Boy, toutes les boys, yeah. Come on, come on, come on. J'blast, fais du bruit. Make it a bomb beat pour mes boys, man. BBD, yo, ceux qui fuck ton boys, man. Faut que tu keep at the show. Faut que tu keep at the show. Toutes ceux qui dégagent mes bro. Ok, ok, j'start le flow. Yo, back the fuck up, parce qu'à j'rate sa poste, on a ce fuck. Make up, à tu mets pas du spot, qui stop, pas de stick up. Straight up, on veut juste get rich, get money. Round paper, fuck a lot of flavor, bunny. MTL, big city of dreams. Fuck mes boys, aide du cream. Carré, fait crime, j'aimerais être crime, mais j'vis pas du bout de ma mine. MC Barry, c'est synonyme de famine. Fait qu'on s'est en famille, on va s'y. Entre 2K de la batte, penche pas trop, sinon c'est là-bas. J'te compte les chutes de Rosemont, pas les chutes de là-bas. J'pète encore plus qu'un lama, brother. On inverse par en bas, ceux qui sont gone till November. BBT, member. My boy never surrender, rough neck, Mr. President, holla. On show du love, man. That's my boy. Je marche dans mes doutes, mais faut au moins que je rappe mes doutes. Yo, BBT Record. That's my boy. United, we stand back again for all of my men, yo. Rough neck, Buzzy B. That's my boy. Je marche dans mes doutes, mais faut au moins que je rappe mes doutes. Pour toutes mes boys, yo. That's my boy. United, we stand back again for all of my men, yo. Je sais, un jour j'ai promis à mes boys, oh, où j'ai grandi. J'allais big up le coin, j'ai pu smoker first Philly. Rosemont, promesse tenue. Savez quoi qui me tue, ce père veut pas me laisser avoir ma statue. Y'est pas tort, sûrement que j'ferai un signe dans le genre bas du milieu. Le BBT rend les autres gros nerveux. Show du love, man, même en friends, on s'respecte. Les autres traces sont tes accès. Crache pas ces facelets. Pour toutes les gars, filles, nymphes, dentistes. Mon gars, c'est important pour être défaitiste. Quand j'rap, faut juste pour le fait. Pour avoir dress dans le shit, faut plus de cul. Les big calls, les bitches d'un clip non plus. J'rappe moi-même, j'rappe mes boys, j'rappe ma main, j'rappe ma petite, j'rappe les chicks. J'suis comme un doux don't give, j'fais une banque pas de cagoule. J'en ai rien à foutre, regarde à ma face, pour celle à ma poule. On chose love, aïe, that's my boy. J'marche dans mes doutes, mais faut au moins que j'rappe mes doutes. Yo, BBT Record, that's my boy. United, we stand back again for all of my men, yo. Rough neck, Buzzy B, that's my boy. J'marche dans mes doutes, mais faut au moins que j'rappe mes doutes. Pour toutes mes boys, yo. That's my boy. United, we stand back again for all of my men.